vouloir, où coule le flot de tant d'espoir. J'ai rencontré des tamans blancs avec un manque d'élégance. Comment peut-on donner à l'autre si peu d'importance? Est-ce un peu d'ignorance ou peut-être de la maltraitance? Je fus de serre dans ces détails, à m'unir à l'aube de la vie, sous tes regards pleins de mépris. Je l'ai croisé l'éternité dans ces couloirs blancs, et j'ai tenu leur main d'amour. Leur dernier jour, je l'ai croisé, le souffle du vent de ses regards blancs, et dans ma main, ses doigts si frais ont déployé leurs ailes. Blanc de leur visage au sourire d'argent, parlant au rendez des sourires, aux plaisirs grandes comme des empires. Je leur envoie à toutes ces dames un océan d'amour, que coule une rivière de respect chaque jour. L'éternité dans ces couloirs blancs, et j'ai tenu leur main d'amour pour leur dernier jour.